on se retrouve en bas du bloc. J'étais qu'un enfant, j'aime bien les chansons. Loin de me douter que j'allais écrire à l'époque. On se fait la gueule, mais on fait tes leçons, non. Un regard, on se comprenait. On fait les hommes, c'est vrai, on fait les fiers, ouais. Pour une fois, loue des zéros. Y'a tous ces soirs sans potes. Je sonne, y'a des gars. Chapeau de paille, je sirote. Je tue le temps, j'en fais un. Il est où le frérot? Il est où? Il est où? Il est où le frérot? Il est où? Il est où? Il est là le frérot, il est là. Il est là. Il est là le frérot, il est là. Justement, ça y est, c'est bon. Là c'est fini. On se parle plus, à qui la faute? Où est mon frère? Où est mon ami? Je retourne à terre pour mon pote. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. Là je suis pété sous beurre. L'ami c'est joli, je lui fais des folies, ouais. Je vois tout ce qu'il y a dans ses yeux. Mais y'a tous ces soirs au quartier où je repense à ces moments. Combien de frères nous ont quittés? Quand j'y repense, ça fait mal. Y'a tous ces soirs au quartier où je repense à ces moments. Combien de frères nous ont quittés? Quand j'y repense, ça fait mal. Il est où le frérot?